بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. Il est important de savoir que certains savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que les incroyants, les kuffars, ne sont pas concernés par les branches de la législation. Ça veut dire quoi ça? Ils ne sont pas concernés par les branches de la législation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas châtiés concernant les péchés qu'ils vont faire ou les obligations qu'ils vont délaisser. Ils ne sont pas châtiés concernant le fait qu'ils n'ont pas payé la zakat, concernant le fait qu'ils n'ont pas fait la prière, concernant le fait qu'ils n'ont pas fait le hajj, etc., etc., puisqu'ils sont déjà châtiés sur le fait qu'ils ont délaissé le tawhid. Ils sont déjà châtiés sur le fait qu'ils ne sont pas musulmans. Ils iront donc dans le feu par rapport à cela. Mais concernant la salat, non, ils ne sont pas concernés par rapport à cela. Et le jeûne, ça ne les concerne pas, etc. C'est ce qui est voulu par le fait que les koufars ne sont pas concernés par les branches de la législation. Taïb, comment est-ce qu'on peut comprendre ça de ce hadith? Où est-ce qu'ils ont tiré ça de ce hadith? Le hadith qu'on a vu, donc, parce qu'on a fait en arabe la traduction. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit, certes, tu vas vers des gens du livre. Alors, la première chose que tu dois, la première chose à laquelle tu dois les appeler est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah. Et dans une narration, tu dois les appeler à unifier Allah, à affirmer l'unicité d'Allah. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire une aumône qui sera prise de leurs riches et donnée aux pauvres. Et s'ils t'obéissent en cela, alors méfie-toi, alors ne prends pas leurs biens qui sont les plus valeureux. Et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Où est-ce qu'on peut comprendre dans ce hadith que les koufars ne sont pas concernés par les branches de la législation? Et donc, s'ils t'obéissent en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ » Et donc, s'ils t'obéissent en cela, alors à ce moment-là, tu leur informes que Allah leur a rendu obligatoire 5 prières. Et donc, ces savants-là, ils nous disent « فَهَاُلَا الْكُفَارُ لَا يُؤْمَرُونَ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ إِلَّا بَعْدَ إِقْرَارِهِمْ بِالتَّوْحِيدِ » Et donc ces incroyants, il ne leur est pas ordonné de faire la prière ni la zakat que après, il ne leur est ordonné de le faire que après le fait qu'ils aient affirmé le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadhihi al-mas'ala ikhtalafa fiha al-ulama 'ala thalathati aqwal. Les savants, ils ont divergé sur ce sujet et il y a trois avis donc dans ce sujet entre les savants. Il y a le premier avis, celui qu'on vient de voir, an al-kuffar غير مخاطبين بفروع الشريعة. Donc le premier avis, les incroyants ne sont pas concernés par les branches de la législation. Le deuxième avis, أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. Le deuxième avis, c'est que les incroyants, ils sont concernés par les interdictions de la législation. Mais ils ne sont pas concernés par les obligations. C'est-à-dire que ils ne sont pas concernés par la salat, ils ne sont pas concernés par le hajj, ils ne sont pas concernés par le jeûne. Par contre, ils sont concernés par l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction de forniquer, etc. Pourquoi? Mais où est le dalil? لأن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن أسلموا لم يكونوا أو لم يطالبوا لم يكونوا مطالبين بقضاء ما فاتهم من الصلوات والزكوات وما إلى ذلك. Les kuffar, lorsqu'ils se convertissaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, il ne leur était pas demandé de rattraper les prières qu'ils ont ratées, les prières qu'ils n'ont pas accomplies, ni la zakat, les années qui sont passées, il y avait des zakat à sortir, il ne l'a pas sorti, il ne lui était pas demandé de rattraper tout cela. Et donc, ils ont dit, à ce moment-là, on comprend clairement que les koufars ne sont pas concernés par les obligations de la législation. Taïb, amma an-nawahi, fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yahkumu fil medina, wa man waqa'a fi zina min al-yahoud yahkumu alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui gouvernait à Médine, celui parmi les juifs, comme cela a été cité dans Sahih al-Bukhari et Muslim, celui parmi les juifs qui a commis la fornication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait sur lui la sentence. Et donc, La sentence était appliquée sur le fait dès qu'il ait accompli un acte interdit. Voilà pourquoi ce groupe de savants, ils ont fait la distinction entre les obligations et les interdictions. El qawlu thalith wa huwa rajih inshallah ta'ala annahum mukhatabun bi furu' ash-shari'a. Le troisième avis, c'est l'avis le plus juste inshallah ta'ala, c'est que les incroyants, ils sont concernés par les branches de la législation. Ils sont concernés aussi par les branches de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit concernant les koufars et les croyants, lorsque les croyants sont au paradis et que les koufars sont en enfer, donc les croyants qui leur demandent, mais c'est lesquels qu'on fait ça pas? Qu'est-ce qui vous a entraîné dans le feu? Qu'est-ce qui vous a entraîné là-bas? Quand nous l'amna kouminel moussolli, ils disent, nous ne faisions pas partie des prières. Ou l'amna kounout'imoul miskin. Donc on ne faisait pas partie des prières et on ne faisait pas partie de ceux qui nourrissaient les pauvres. Et on transgressait avec les transgresseurs. Ici, al-khawb, c'est le fait de transgresser. Ça vient dans le sens aussi d'innover, al-khawb, comme ça a été cité dans le hadith de Jibril. Hadith de Jibril, la narration de Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar dans Sahih Muslim. Lorsqu'il parle donc de ceux qui ont innové dans le qadar, il a dit khawdu fil qadar. Il a utilisé le terme al-khawb. Et donc ici, le fait de transgresser. On transgressait avec les transgresseurs. Et aussi, on traitait de mensonges le jour de la rétribution. Et donc, ces gens-là, c'était des koufars. On traite de mensonges le jour de la rétribution. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer? Parce qu'on a délaissé la prière. Parce qu'on a. Donc, ça, c'est une obligation qui n'a pas été faite. On n'a pas nourri les pauvres. Une obligation qui n'a pas été faite. Et donc. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, el koufar, mukhatabouna bi furu'i sharia wa bima la tasihu illa biha wa hiya al-usul. Et donc les koufars sont concernés par les branches et les fondements de la législation. Et ils seront châtiés sur cela. Ils seront châtiés pour le fait d'avoir délaissé les branches de la législation. Taïb, certains vont se dire, mais quelle est la faïda d'étudier ça? Moi je suis musulman, ça c'est bon, khalas. Moi je suis musulman, pourquoi tu m'informes que les incroyants ne sont pas concernés par les... ou ils sont concernés par les branches de la législation? Ce sujet, il est très important, particulièrement pour les gens qui vivent ici dans ce pays. Parce que nous, particulièrement, on va avoir beaucoup d'échanges avec les incroyants. Beaucoup. On va faire du commerce avec eux, etc. Et donc, il faut que tu saches qu'est-ce qui leur est permis, qu'est-ce qui ne leur est pas permis. Beaucoup de nos frères qui, par exemple, travaillent dans les restaurants, ils sont éprouvés par cela. Est-ce qu'il t'est permis, pendant Ramadan qui arrive, de vendre un sandwich à un incroyant, alors que tu sais qu'il va le manger finaha de Ramadan? Tu sais qu'il va le manger en pleine journée de Ramadan. Est-ce qu'il t'est permis de lui vendre? À la hadha al-qawl, sur cet avis, non, là, il y a juz. Là, il y a juz, ça ne t'est pas permis. Pourquoi? Parce que là, tu vas l'assister à faire un péché. Il lui est interdit à cet incroyant de manger pendant Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il est concerné par les branches de la législation. La même chose, une femme, une sœur aujourd'hui, elle veut mettre le voile, elle veut délaisser ses vêtements de moutabarija qu'elle avait avant dans le passé, elle se dit, bon, je ne peux pas donner ça à ma sœur Filla, allez, on va le vendre au koufar. Et elle va vendre ça à une femme mécréante qui va le porter dans la rue devant tout le monde. Là, khalat, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que cette incroyante à qui tu vas vendre ses vêtements, elle aussi, elle est concernée par les branches de la législation. وفي الحديث أهمية الصلاة. Il y a dans le hadith l'importance de la prière. Ah, subhanallah. Hadith salat. Cette prière, comment elle est négligée? وهذه الصلاة ركن من أركان الإسلام كما أو الركن الثاني. Et donc cette prière qui est le deuxième pilier de l'islam. Cette prière qui est très importante. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat fa man tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la salat. Celui qui la délaisse a mécru. Entre nous et eux, manhum, c'est qui eux? Et donc c'est pourquoi certains savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est les hypocrites al-munafiqun. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Puisque eux, ils montrent l'islam de façon apparente. Bon, ça y est, on est avec les musulmans, etc. Le pacte qu'il y a entre nous, eux, c'est la salat. Faman tarakaha, celui qui la délaisse, fait code kafar. Celui qui la délaisse, il a mécru. C'est-à-dire que là, il a mis en évidence sa mécréance. Il ne l'a plus caché. Il ne l'a plus caché. Voilà donc une des explications qu'ont cité des gens de science par rapport à ce hadith. وَيَكْفِيكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أَنْ تَعْلِفُوا أَنَّ الْعُلَمَا اخْتَلَفُوا فِي حَالِ تَرِكِ الصَّلَاتِ لِتَجْتَنِبُوا هَذَا الْمَوْقِفِ. Il nous suffit, aux frères, aux mes frères, il nous suffit à tous de savoir que les savants, ils ont divergé concernant celui qui a délaissé la prière. Concernant son cas, est-ce qu'il est musulman ou pas, afin qu'on s'éloigne de cette position, qu'on s'éloigne de cette situation. Combien de fois les gens ils envoient des questions? Subhanallah, Allah, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ami, wa kuntu ad'uhu ila salat, mon oncle, je l'ai appelé à la prière, etc. Et à chaque fois, il me disait, je vais prier. Inch'Allah, wa ja'athu al-maniyya. La mort est venue, l'a touché. Est-ce qu'on peut prier sur lui ou pas? À chaque fois, cette question, est-ce qu'on peut prier sur lui ou pas? L'héritage, hein? Ah, sa fille, elle veut se marier. Est-ce que c'est lui le tuteur? Est-ce qu'il a le droit d'avoir son mot à dire? Etc. Ça, c'est des sujets qui sont lourds. C'est lourd, normalement. Ça doit te faire peur de tomber dans cette situation. Tu ne sais pas si au final, tu vas au paradis ou en enfer. Tu ne sais pas, hatta fi dunya, ta fille, elle peut se marier sans ton autorisation. Parce que tu n'es pas considéré comme musulman. Et donc, il faut vraiment que ceux qui délaissent la prière, particulièrement en France, il y en a beaucoup, malheureusement. Il faut les rappeler à la vérité. Il ne faut pas les lâcher, ils ont besoin, parce qu'ils sont là par dunya. Ils savent, je te dis, oui, je sais la prière. Mais il y a le travail, il y a ci, il y a ça. Hein? Et après, on a un deuxième problème. On a un deuxième problème concernant la salat. Concernant ceux qui prient. Concernant ceux qui prient. Il y a le sens, Allah tabaraka wa ta'ala amarana bi ikamati salat. Ils oublient que Allah azawajal, il nous a ordonné ikamatu salat. Un terme que je n'ai pas traduit intentionnellement. Ikamatu salat. Qu'est-ce que c'est ikamatu salat? Ça signifie quoi? ففي هذه المسألة قولان عند أهل العلم. Il y a deux avis sur ce terme chez les gens de science. Ikamatu salat. Certains qui nous disent ikamatu salat idamatuha wal muhafazatu alayha. Ikamatu salat, c'est le fait de la faire tout le temps et continuellement. C'est ça ikamatu salat. Et d'autres qui nous disent ikamatu salat itmamuha ala wajhiha. Ikamatu salat, c'est le fait de la parfaire, de la faire correctement. C'est ça qui est voulu par Ikamatu Salat. Et Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit que cette deuxième explication, c'est la vie le plus juste. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Sawu soufoufakum, alignez-vous rangs. Fa inna taswiyata soufoufi min Ikamatu Salat. » Car le fait d'aligner les rangs fait partie de Iqamatu Salat. Le fait d'aligner les rangs, donc ça ne fait pas partie de faire la salat tout le temps. Le fait d'aligner les rangs fait partie de la perfection de la prière. Cela, ça fait partie de la, donc le fait de parfaire ta prière. Idhan, wa hadha yadulluna kadhalika ala anna salata fil jama'a wajiba. Yarhamukallah. Et donc cela nous montre aussi que la prière en groupe, elle est obligatoire. Elle est obligatoire la prière en groupe. Allah amarana bi ikamati salat. Allah nous a ordonné le fait de parfaire notre prière. Wa ikamati salat, wa min ikamati salat, taswiyat as-sufuf. Et parmi le fait, donc il y a dans le fait de parfaire la prière, le fait d'aligner les rangs. Et donc tu ne vas pas prier tout seul. Tu ne vas pas prier tout seul. Il y a des preuves qui sont claires sur ce sujet. Wa raka'u ma raki'in, et prier avec les prières. Et d'autres encore. Voilà qui n'est pas ça. Cependant, la négligence. Pourquoi? Min âge de dunya. À cause de la dunya. Et dunya, comme son nom le montre clairement, ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine que tu te fatigues ou que tu aies des négligences pour cette dunya. Elle va disparaître, akhi. Tu vas disparaître, tu vas mourir. Ces euros que tu gagnes, ils vont te servir à quoi dans ta tombe? Ils vont te servir à quoi? Tu délaisses des obligations. Ta troupe, elle salat fil jama'a, min ajli hadi l'amwal. On délaisse les obligations, la prière commune à cause de cet argent. Wallah, ça n'en vaut pas le coup. Celui qui fait ça, ce n'est pas un bon commerçant. Ce n'est pas un bon commerçant. Certains, ils sont concentrés par rapport au commerce. Oui, j'ai mon commerce, etc. Mais ils ne sont pas de bons commerçants. Celui qui est un bon commerçant, il regarde le commerce fructueux. C'est quoi un commerce fructueux? C'est un commerce qui perdure. C'est pas un commerce que tu commences aujourd'hui et que demain matin, c'est fini. Ou dans un mois, dans ça, khalas, tu ne peux plus vendre ton produit. Non, toi, tu recherches un commerce fructueux, un commerce qui perdure dans le temps. Ça, il y a écrit. Tu veux un commerce fructueux? Le commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Dans l'au-delà. Ininterrompu. Hein? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons, qui a vendu tous ses biens, qui a laissé tous ses biens, son trésor. Il devait faire la hijra. Les koufars l'ont arrêté. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, nous, à notre époque, on essaie de rassembler de l'argent pour partir en hijra. C'est ça l'objectif. Comme on a dit, min shurutis salati et tahara. Parmi les conditions de la salat, il y a tahara. Min shurutil hijrati, el flous. Parmi les conditions de la hijra, l'argent. Et donc nous, on veut rassembler. On veut rassembler, c'est les conditions. Hein? Eux, les salafs, comment ils étaient? Lui, il avait déjà de l'argent, il n'avait pas besoin de rassembler. Il avait déjà son argent. Le problème, c'est quand il a voulu partir, les koufars, ils ont dit, la, abadan, antataj lismana. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Il a fait quoi? Il a dit, non, mais attendez, j'ai un trésor, j'ai ci. Il leur a montré où il est son trésor, en dessous de la porte de chez lui. Ils ont creusé, ils ont vu l'or, ils ont vu les biens. Ils ont dit, khalas, vas-y. Bon, c'est bon, tu peux partir. C'est bon, tu peux partir. Lorsqu'il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, rabihat tijaratuk. Ton commerce a été fructueux. Ton commerce a été fructueux. Voilà ce qu'on doit chercher. Ne pas être accroché à ces dénanir, à cet argent qui nous empêche d'accomplir nos obligations. On doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. وفي هذا الحديث أهمية الزكاة. Il y a aussi dans ce hadith l'importance de la zakat, de l'aumône obligatoire. وللأسف الشديد كل من يتفقه في هذه المسألة. Et c'est malheureux de voir que ceux qui vont étudier ce sujet sont peu nombreux en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui étudient ce sujet. Et c'est pour ça qu'à chaque année, il y a des questions qui nous viennent. Chaque année, les frères. Un peu avant Ramadan. Un peu avant Ramadan ou pendant Ramadan. Les questions qui viennent, c'est Subhanallah, kuntu la adri, wa madati sinun, wa la adri kam biddabt. Ah, subhanallah, je ne savais pas. Je ne connaissais pas le jugement. Et les années, elles sont passées. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien j'avais sur le compte. Ou je ne sais pas exactement combien. Combien ils ont posé cette question? C'est pas un, c'est pas deux, les frères. C'est vraiment beaucoup de personnes qui posent ces questions. Parce qu'ils ne savent pas que la zakat est obligatoire dans telle et telle situation. Ils ne savent pas. Ensuite, au bout d'un moment, là, on a notre frère Abdullah Abou Ibrahim. Il a donc fait une série sur le sujet. Là, les gens commencent à poser des questions. J'ai entendu que la zakat, elle est obligatoire. Tabiakhi, comment ça se fait que tu as de l'argent, tu rassembles et tu n'étudies pas la zakat? On est capable de faire de l'effort pour, des efforts pour rassembler cet argent, mais on ne fait pas d'effort pour étudier quel est le droit, les devoirs qu'on a concernant cet argent. C'est étonnant quand même. Il faut qu'on fasse des efforts, les frères. Il faut qu'on se réveille, on ne peut pas rester comme ça. Déjà, on est au milieu des koufars, on entend les églises tous les jours, et en plus, il faut qu'on reste ignorant. Mais non, il faut qu'on étudie. Il faut qu'on étudie, on ne peut pas rester comme ça. Et concernant ce sujet, je ne vais pas l'étaler ici, donc, concernant la zakat. Pourquoi? Parce que Umdat al-Ahkam, là, on a bientôt fini, Kitab al-Salat, et bientôt, Inch'Allah, dans quelques hadiths, il ne reste pas beaucoup, on va commencer Kitab al-Zakat, Inch'Allah ta'ala, et là, je vais détailler les divergences entre les savants sur ce sujet. Et donc ceux qui veulent en profiter pourront bi'idhnillahi ta'ala. Et sinon il y a les cours, je sais, du frère Abdullah Ibrahim qui sont déjà en ligne, et d'autres parmi nos prédicateurs salafis. Wa fi hadha al-hadith wa aussi, attendez les frères, juste avant, Omar radhiyallahu anhu qatala mani az-zakat Omar, il a combattu, il y a eu une guerre. Il a combattu ceux qui refusaient de donner la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce moment, quoi, ce sujet fait partie des sujets qui sont importants. Abou Bakr, excusez-moi, j'ai dit Omar, c'est ça? C'est Abou Bakr. Et Omar qui est venu le voir, Omar, lui a dit, comment est-ce que tu peux combattre des gens alors qu'ils ont dit la ilaha illallah? Ils ont dit la ilaha illallah. Le prophète qui nous dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Ça, khalas, ils ont dit la ilaha illallah. Et là, il a répondu quoi à Abou Bakr? Par Allah, je vais les combattre même si c'est un câble, certains disent, le câble avec lequel t'attaches ta bête. Même si c'est un câble qu'ils doivent donner, qu'ils donnaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils refusent de donner aujourd'hui, je vais les combattre. Omar il dit, à ce moment-là, j'ai compris que Abou Bakr, Allah tabaraka wa ta'ala, lui a insufflé, lui a montré la vérité. Alors Omar, il a été convaincu par cet avis et il a participé avec Abou Bakr. Les savants, ils nous disent quoi ici? Ils nous disent quoi? Parmi les leçons importantes de cette qissa entre Abou Bakr et Omar, il y a le fait que Al-Mafdoul Kodiakoun A'lema min al-Fadil fi mas'ala. Le fait que, donc, celui qui est moindre ou qui est, donc, ou qui a moins de science, ou qui est moins haut, qui a un rang moins élevé, peut être plus savant que celui qui a un rang plus élevé dans un sujet. Pourquoi? Ils ont pris ça où? Parce qu'ici, dans ce sujet, tu vois que il y a le hadith complet, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu s-salat wa yu'tu z-zaka. » Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et qu'ils accomplissent, et que Mohammed est son messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière, hein, de façon parfaite, et qu'ils aussi donnent l'aumône obligatoire. C'est ça le hadith. Et donc ils disent, ici, on voit clairement que ni Abou Bakr ni Omar ils connaissaient le hadith complet. Ni Abou Bakr ni Omar. Parce que Abou Bakr, ou du moins Omar, on commence par Abou Bakr. Abou Bakr, s'il connaissait le hadith complet, lorsque Omar est venu le conseiller, il aurait dit, oui, mais Omar, le hadith, c'est ça. Tu me dis, le prophète, il dit, ou mieux toi, ou quand il en a, hatta yashadu an la ilaha illallah. Mais le hadith complet, c'est ça. Et donc Abou Bakr, il n'a pas cité le hadith complet. Et Omar, derrière, qui a été convaincu par l'argumentation de Abou Bakr, sans que Abou Bakr lui cite le hadith complet. Les savants nous disent, cela montre que ces deux-là, ils ne connaissaient pas le hadith complet. Par contre, qui c'est qui l'a rapporté la narration complète de ce hadith? On a Abu Huraira, on a Ibn Omar et d'autres parmi les compagnons. Or, Abu Huraira et Ibn Omar, ils viennent après. Ils ne sont pas au même rang que Abu Bakr et Omar. Et donc, il se peut que celui qui a un rang moins élevé, il ait plus de science que celui qui a un rang plus élevé dans un sujet. D'accord? Ça, c'est important, les frères. C'est important. Parfois, on se dit, ah oui, mais le savant, oui, mais l'étudiant, moi, je ne peux pas ça. Non, tu peux, si tu crois qu'il a fait une erreur, dis-lui. Dis-lui, tu t'es trompé dans tel sujet. Dis-lui. Comme on a dans cette fitna, là, avec Mohamed Ben Hadi, certains qui vont voir Cheikh Rabia, ils disent, oui, tel prédicateur, tel talib, il a fait telle et telle erreur. Cheikh Rabia dit, taïb, non, sahna. Taïb, Mohamed Ben Hadi, vous l'avez conseillé? Allez, mia Cheikh, allez. Ah. Il arrive à un rang, on ne peut plus le conseiller. On ne peut plus. Non, c'est pas comme ça. On se conseille mutuellement. Savant ou pas savant. On se conseille mutuellement. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ وَلِيَ الْأَمْرِ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّ جَامَعَ الزَّكَوَاتِ. Et donc, il y a dans ce hadith le fait que le gouverneur, c'est lui qui est responsable de rassembler les aumônes. وَلَكِنَ الْمُسْلِمِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْتِيَ أَوْ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاتَ عَلَى الْفَقِيرِ مُبَاشَرَةً فَلَهُ ذَلِكَ. Cependant, le musulman, s'il veut donner sa zakat aux pauvres directement, alors il peut le faire. Ce n'est pas obligatoire de passer par le gouverneur. Sauf si le gouverneur, il te demande. Sauf si le gouverneur, il te l'ordonne. D'accord? Si le gouverneur, il te laisse le choix, à ce moment-là, tu peux donc donner directement aux pauvres. Comme ils l'ont dit, les savants. وكذلك في الحديث أن هذه الزكاة لا تعطى للأغنياء. Il y a dans ce hadith le fait que cette zakat, on ne la donne pas aux riches. Cette zakat, elle est donnée aux pauvres. Elle est donnée aux pauvres. وفي هذا الحديث خطورة الظلم. Il y a dans ce hadith le danger de l'injustice. Le danger de l'injustice. ومما يؤسف له في هذا الزمن أنك تجد طلاب العلم لا يخشون الوقوع في الظلم. Et parmi les sujets qui nous attristent à notre époque, le fait que tu trouves des étudiants en sciences qui n'ont pas peur de tomber dans l'injustice. Des étudiants en sciences, ils n'ont pas peur de tomber dans l'injustice. فَيُقْلِكُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فِي الْبِيلِ وَالْقَالِ وَالْغِيبَ. Tu les vois qui vont parler dans les on-dit, sans preuve, qui vont parler, qui vont faire la médisance sur leurs frères. فَمَا بَلُكُمْ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ لَمْ يَدْرُسُوا. Alors que dire de nos frères qui n'ont pas étudié? Si ça c'est la situation des toulèbes, des étudiants, que dire de ceux qui n'ont pas étudié? هَؤُلَهُمُ الضَّحِيَّةِ. Comme il dit Cheikh Abdullah al-Bukhari. هَؤُلَهُمُ الضَّحِيَّةِ. Ces gens-là, ce sont eux les victimes. Ceux qui suivent leurs étudiants, ils suivent la même voie que leurs étudiants. Le talib revient de Médine, les gens, masha'Allah, il a étudié de Médine, voilà, il faut un talib qui parle sur tout le monde. Un tel ci, un tel ça, un tel ça, il y a une kissa, il y a une kissa à droite, une kissa dans le quartier là-bas, et. Il y a des gens qui suivent le talib. Allez, une kissa à droite, une kissa à gauche, avec certaines narrations parfois qui changent. Et les gens, ils suivent comme ça. Et donc, il faut faire attention, les frères. Il faut qu'on craigne l'injustice. L'injustice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans ce hadith, « Fattaqi da'wat al-mazloum, crains, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Il n'y a pas de voie entre elle et Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas peur de ça? Tu n'as pas peur que cet opprimé, il l'invoque contre toi? Tu n'as pas peur? Rappelez-vous, les frères, il y a certaines situations parfois qui nous amènent, qui doivent nous amener à réfléchir. Il faut qu'on arrête de se croire invincible. On se rappelle qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui gère toutes choses. Aujourd'hui, tu peux être donc élevé, demain, tu vas être avili à cause de tes injustices. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit, comme dans le hadith Qudsi, Ya Ibadi, ô mes serviteurs, Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Ne vous faites pas injustice entre vous. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit l'injustice. Wa min ashaddi anwa' adh-dhulm fi al-ibad aw lil ibad khiyanatuhum fi ad-din. Et les savants nous disent que parmi les plus graves ou les plus importants, les plus dangereuses forme d'injustice concernant les serviteurs, il y a le fait de les trahir dans la religion. Il y a le fait de les trahir dans la religion, bilbida, par les innovations. Hein? Le fait d'enseigner aux gens des innovations. Ou as-sukut 'anil haqq. Le fait de se taire concernant la vérité. Tu connais une vérité, tu sais qu'un tel s'est égaré, tu sais qu'un tel il appelle les gens à un égarement, et tu te tais, antasakit. Wallahi hadha dhulm. Ça c'est de l'injustice. C'est l'injustice. Tu n'as pas le droit de te taire. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre du livre ou ce que nous avons fait descendre comme éclaircissement et guidé après que nous l'ayons clairement montré dans le livre, alors ceux-là sont ceux que Allah maudit et que tous les maudisseurs les maudissent. Tous les maudisseurs les maudissent. Ils ont caché la vérité. Et donc, quelle est la punition? Que Allah les maudit et les maudisseurs les maudissent. Parce qu'ils ont caché cette vérité. On n'a pas le droit de se taire. Il y a une parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur laquelle on devrait méditer. Parce que certains à notre époque, ils commencent à nous dire que Al-Roudoud, ou le fait de répliquer aux ambiguïtés, c'est pas la voie des salafs. C'est pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ou alors ils nous disent, franchement, il y a trop de répliques. Il y a trop de répliques. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa la ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Il ne t'apporte aucune parabole. On reste avec la traduction, aucune parabole. Il ne t'apporte aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité et une meilleure explication. Il dit, Abdullah ibn Zayd ibn Aslam, rahimahullah, par rapport à ce verset, il dit, aïe, wa la yakuluna kawlan, yu'ariduna bihi l'haqqa, illa ajabnahum bima huwa l'haqqu fi nafsi l'amr, wa abyan wa awdahu min makalatihim. Il dit que Allah tabaraka wa ta'ala ici nous montre donc ils ne viennent, donc les incroyants, ils ne viennent avec aucune parole qui contredit la vérité sans que nous t'apportions, donc sans que nous répondions à cela, sans que Allah tabaraka wa ta'ala il répond à cela par la vérité et par ce qui est plus clair et plus évident que leur parole. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a répliqué aux ambiguïtés des koufars. Il a répliqué aux ambiguïtés de tous ceux qui ont contredit la vérité. Et donc nous devons répliquer. Cheikh Rabi dit, c'est une obligation, il faut répliquer au batil. Ibn al-Qayyim rahimahullah, bayyana anna as-sukut 'an al-batil min al-umur al-khatira. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous montre que le fait de se taire sur le faux fait partie des sujets dangereux. C'est dangereux pour la communauté. Il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme dans As-Sawa'iq al-Mursala, il nous dit, wa ma'loum annahu idha izdawaja at-takallum bil batil wa as-sukut 'an bayan al-haqq tawallada minhum jahlu al-haqq wa idlal al-khalq. Et donc il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, et certes il est connu que si le fait de parler dans le fou et le fait de se taire sur l'éclaircissement de la vérité sont rassemblés, ces deux éléments là se rassemblent, le fait de parler dans le fou et le fait de se taire et de ne pas montrer aux gens la vérité, si ces deux causes là sont réunies, alors va naître de cela l'ignorance de la vérité, les gens ne connaîtront pas la vérité. Wa idlalul khalq, le fait que les gens vont être égarés. Non, ça c'est important, les frères, qu'on se rééduque par rapport à ça. L'importance de la vérité. Que la vérité, elle prime. Et que tu fais une injustice aux gens lorsque tu ne leur montres pas la vérité. Tu leur fais une injustice. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et demain, on continue le deuxième hadith. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.